السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، semaine passée, nous sommes entrés dans le chapitre numéro 16, Babu Shafa'a, le chapitre de l'intercession. Et nous avions cité que Al-Shafa'a, l'intercession, était une réalité qu'Allah Azza wa Jalla a cité dans le Coran. Mais elle est de deux types. Al-Shafa'atul Muthbata ou Al-Shafa'atul Manfiya. Il y a une intercession qui a été affirmée dans les textes. Il y a une intercession qui a été rejetée dans les textes. L'intercession qui a été affirmée dans les textes est celle qui réunit certaines conditions. Premièrement, idhnullahi tabaraka wa ta'ala, la permission d'Allah subhanahu, qu'Allah permette à telle créature d'intercéder pour telle autre. Man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhni. Illa min ba'di an ya'adhan Allah liman yasha'. La condition suivante, ar-rida. Allah Azza wa Jal soit satisfait de celui pour lequel on veut intercéder. Et il faut savoir qu'Allah Azza wa Jal n'est satisfait que des croyants. Voici les trois bases à retenir pour l'intercession qui a été affirmée dans les textes. Et bien évidemment, Al-Shafa'atu lillahi subhanahu wa ta'ala kulluha. L'intercession tout entière appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, elle ne peut être demandée si ce n'est auprès de lui subhanahu wa ta'ala. Et celui qui décide qui est-ce qui peut intercéder et celui qui décide qui est-ce qui peut recevoir l'intercession. Nous n'avons donc pas le droit d'invoquer autre qu'Allah Azza wa Jal à la recherche de l'intercession. Allah réunit ces conditions dans sa parole. Wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'adhana Allah liman yasha'u wa yarda. Et que d'anges dans les cieux dont l'intercession ne sert à rien, sinon après qu'Allah l'aura permis, en faveur de qui il veut et qu'il agrée. Il nous resta à citer la parole d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال أبو العباس كنية شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى il est né ou bien plutôt il est décédé en 728 après l'Égypte. Il avait 67 ans. نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى يكون لغير ملك او قسط منه او يكون عونا لله ولم يبقى الا الشفاعه فبين انها لا تنفع الا لمن اذن له الرب كما قال تعالى ولا يشفعون الا لمن ارتضى. Donc Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, a dit « Allah nie tout ce à quoi s'attachent les polythéistes en dehors de lui. Il nie le fait qu'ils aient une quelconque possession ou une part, c'est-à-dire du royaume d'Allah subhanahu, ou qu'ils soient des assistants d'Allah, créatures qui lui viennent en aide. Il ne reste donc plus que l'intercession. À ce sujet, Allah a clarifié qu'elle ne pouvait être bénéfique que pour ceux à qui le Seigneur en avait accordé la permission, comme il a dit, et il n'intercède qu'en faveur de ce qu'il agrée. Puis il nous dit فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منفية يوم القيامة كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع. Puis, dès lors, cette intercession que prétendent les polythéistes sera inexistante le jour de la résurrection, comme l'a affirmé le Coran. En outre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'il viendra, se prosternera devant son Seigneur et le louera, c'est-à-dire le jour de la résurrection. Il viendra, se prosternera devant son Seigneur et le louera. Il ne commencera donc pas par l'intercession. S'il y a quelques fautes, vous corrigez. Il lui sera dit alors, relève ta tête, parle, tu seras écouté, demande et ta requête sera satisfaite. Intercède et ton intercession sera acceptée. قال ابن تيمية إذن فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منفية. Donc cette intercession que prétendaient les associateurs pour leur fausse divinité a été rejetée. Elle ne sera pas acceptée, elle n'aura pas lieu. Elle ne sera pas effective يوم القيامة. Cette intercession est l'intercession qu'ils ont prétendue à leur fausse divinité. L'intercession qui peut avoir lieu sans la permission d'Allah. L'intercession sans qu'Allah Azza wa Jal n'agrée cette créature. L'intercession qui peut influencer, ou bien l'intercesseur qui peut influencer sur la volonté divine d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ceci est batil, tout ceci est faux et a été rejeté dans le Coran et la Sunna. Personne ne peut intercéder sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal ne permette pas qu'on intercède pour un associateur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, qui est la créature la plus noble chez Allah subhanahu wa ta'ala, nous informe dans le hadith qui a été rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Et vous savez tous la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que c'est la meilleure des créatures. Malgré cela, il ne pourra pas intercéder sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et regardez cette situation qui nous a été décrite. Il va venir, il va se prosterner et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala longuement, au point où Allah subhanahu wa ta'ala va lui enseigner dans cet état des invocations et des louanges qu'il ignore. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va invoquer Allah azza wa jal par des choses qu'il ne connaissait pas de son vivant. Mais ce jour-là, Allah azza wa jal va lui enseigner ses invocations, ses éloges et ses louanges, jusqu'à ce qu'on lui dise « Relève ta tête ». Donc il ne pourra pas intercéder avant la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si ceci est valable pour la créature la plus noble, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a plus forte raison pour ceux qui sont bien en dessous de son rang. Donc ici on voit la première condition de l'intercession. Al-idhn, la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, Ibn Taymiyyah رحمه الله تعالى نسيد الحديث أبو هريرة وقال له أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله. D'autre part, Abu Huraira demanda un jour au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui parmi les gens tirera le plus avantageusement profit de ton intercession? Il répondit, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toute personne ayant dit il n'y a point de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah, sincèrement, du plus profond de son cœur. Dans ce hadith qu'a apporté l'imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, nous voyons la troisième base de l'intercession affirmée, qui est qu'Allah azza wa jal n'est satisfait et n'agrée que les gens du tawhid, les gens de l'islam. Abu Huraira a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour au messager d'Allah, qui est la personne qui se réjouira le plus de ton intercession au Malqiyah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, j'avais la certitude que personne n'allait m'interroger à ce sujet avant toi, ya Abu Huraira, de par la motivation que j'ai vue en toi dans la recherche du hadith. Ça, c'est une tazkiya azima du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des éloges immenses qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour Abu Huraira dans la recherche de la science. Puis il lui a répondu, la personne qui sera le plus en droit, ou la personne qui se réjouira le plus de mon intercession, est celle qui aura dit la ilaha illallah. Donc la personne qui est sur le tawhid, mais qui a prononcé cette parole avec ses conditions. Et parmi ces conditions, elle est l'ikhlas, la sincérité. Il a dit la ilaha illallah à la recherche de l'agrément d'Allah. Il a dit la ilaha illallah avec conviction. Il a renié le droit à l'adoration pour tout autre qu'Allah, puis a affirmé que le seul qui mérite entièrement d'être adoré était Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, à travers ce hadith, on comprend que deux catégories de personnes n'auront pas le droit à l'intercession. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit premièrement, « Man qala la ilaha illallah », celui qui a dit « la ilaha illallah ». « Fa kharaja bihada al-qayd al-kuffar » لأنهم لم يتلفظوا والمشركون لأنهم لم يتلفظوا بهذه الكلمة. Ça exclut les mécréants et les associateurs. Pourquoi? Car ils n'ont pas dit la ilaha illallah. Et la personne qui n'a pas dit la ilaha illallah ne pourra pas recevoir l'intercession. Est-ce que Kuffar Quraysh ont prononcé cette parole? Là, Allah dit dans le Coran, إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون فأنكروا هذه الكلمة وأبوا أن يقولوها. Donc Allah nous dit, lorsqu'on leur disait la ilaha illallah, ils se gonflaient d'orgueil. Ils disaient, allons-nous délaisser nos divinités pour un poète fou? Donc ils ont refusé de dire la ilaha illallah. Ils n'auront donc pas l'intercession. Une deuxième catégorie, les associateurs qui ont prononcé cette kalima, comme des associateurs à notre époque, qui disent « La ilaha illallah », puis se dirigent vers les tombeaux, puis se dirigent vers les saints, puis égorgent pour autre qu'Allah, puis donnent le culte à autre qu'Allah, azza wa jal. « Ha'oula mushrikoun »« Ha'oula mushrikoun » Et la catégorie à laquelle je voulais faire les références, Al-Munafiqoun, les hypocrites n'auront pas le droit à l'intercession. Lianna Nabiya sallallahu alayhi wa sallam qayyadaha bil ikhlas. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui a dit la ilaha illallah sincèrement de son cœur. Alors que les hypocrites, eux, ont dit la ilaha illallah, mais à la recherche de la dunya pour préserver leurs biens, pour vivre avec les musulmans, pour avoir accès aux droits des musulmans. Mais ils n'étaient pas sincères, ils ont caché dans leur cœur la mécréance. Et ont fait apparaître l'islam. Mais Allah Azza wa Jal allamul ghuyub, les dévoilera yawm al-qiyamah et ne leur donnera pas accès à shafa'a. Wallah musta'an. Donc qui est-ce qui aura le droit à l'intercession? Al-Muslim al-Muwahhid. Le musulman monothéiste qui a dit la ilaha illallah avec sincérité et qui n'a pas annulé cette parole par quelque parole ou amada action, cette personne-là, bi'idhnillah, aura droit à l'intercession par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Puis Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit, cette intercession sera donc réservée aux gens de la sincérité, aux gens sincères par la permission d'Allah, et ne concernera pas les polythéistes. Et ne concernera pas les polythéistes. Puis il nous dit, wa haqiqatuhu, ay haqiqatu hadha al-amr wa bayan ash-shafa'ah wa kayfiyat al-husul 'alayha wa haqiqatu ash-shafa'ati as-sahihah wal fa'idati minha anna Allah subhanahu huwa alladhi yatafaddalu 'ala ahli al-ikhlas fayaghfiru lahum biwasitati du'a'i man udhina له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص انتهى كلامه. La réalité de cette intercession se manifeste par le fait que c'est Allah qui fait grâce aux gens sincères et leur pardonne par l'entremise de l'invocation de celui dont l'intercession a été autorisée, afin qu'Allah l'honore et lui permette d'atteindre le statut élogieux, le maqam ou le mahmoud. Ici, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala répond à une question que le croyant pourrait se poser. Limadha lam yughfar lahum ibtida'an? Pourquoi est-ce qu'on ne leur pardonne pas directement? Pourquoi est-ce qu'il y a ash-shafa'a, l'intercession? Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala ici répond à cela. Al-fa'ida anna Allah subhanahu wa ta'ala arada un yaghfira lil mashfu'ila. Allah Azza wa Jal va vouloir pardonner à celui pour lequel on veut intercéder. Wa ja'ala ash-shafa'ata sababan li dhalik. Il a fait de l'intercession une cause pour lui pardonner. Et cela renferme une sagesse. Wal hikmatu min hadhihi al-wasita إكرام الشافع وإظهار منزلتي عنده. Donc la sagesse, c'est d'honorer celui pour qui on va intercéder, pardon. La sagesse, c'est qu'Allah Azza wa Jal veut honorer celui qui va intercéder. Et il veut montrer sa grande place auprès de lui aux yeux de tout le monde, devant l'ensemble des créatures. Et s'il avait voulu, il aurait pardonné à cette créature directement. Mais avec Ash-Shafa'a, tout le monde verra que celui qui est en train d'intercéder a une grande place chez Allah. Et que Allah l'honore en lui permettant d'intercéder. Hadhihi al-hikma. Voici la sagesse. Et cet honneur et cette place nous apparaît de plusieurs points de vue. Premièrement, qaboul ash-shafa'a, le fait qu'Allah accepte son intercession. Ça montre quoi? Qu'Allah l'honore et qu'il a une grande place chez Allah. وظهور جاه عند الله. Ça montre donc sa place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on entend souvent al-maqam al-mahmoud, la station élogieuse. C'est un statut qu'Allah azza wa jalla a réservé pour une seule créature. Alladhi ahmaduhu fihi al-khala'iq kulluhum. Donc c'est une situation à travers laquelle l'ensemble des créatures vont se montrer reconnaissants envers celui qui va intercéder. Al-Maqam al-Mahmoud, c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam va intercéder auprès d'Allah azza wa jal afin qu'il fasse commencer le jugement. Donc toutes les créatures seront apeurés, effrayés dans l'attente du commencement du jugement. Et vous connaissez tous le long hadith où l'ensemble des gens vont se diriger vers Adam et lui demander d'intercéder. Mais Adam s'excusera et les enverra vers un autre messager et ainsi de suite jusqu'à atteindre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc Adam va les envoyer vers nous. Ensuite, il y aura Mada, il y aura Moussa, il y aura Isa, ou bien avant ça, il y aura Ibrahim, Moussa, Isa. Pour finir, au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui lui ira se prosterner et invoquer Allah azza wa jal jusqu'à ce qu'Allah azza wa jal lui permette d'intercéder. Puis l'auteur nous dit, ou plutôt Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, par conséquent, l'intercession niée par le Coran est celle comportant une part de shirk, de polythéisme. Cette part de polythéisme, elle est soit dans la façon d'avoir demandé à Shafa'a, c'est-à-dire qu'on la demande à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, soit c'est celle affirmée par les mouchrikoun directement. Quoi qu'il en soit, elle est rejetée car il manque les conditions. فَالشَّفَعَةُ الَّتِي نَفَهَا الْقُرْآنُ مَا كَانَ فِيهَا شِرْكُ مَا هُنَا اسْمُ مَوْصُولٌ بِمَعْنَى الَّتِي فِيهَا شِرْكُ إِمَّا مِنْ جِهَةِ الطَّلَبِ أَوْ فِي الْمُشْرِكِينَ. Donc elle est rejetée car soit là dans la demande il y a du shirk, soit elle a été demandée pour un mouchrik, un associateur. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a affirmé l'intercession après sa permission dans plusieurs endroits du Coran. Par exemple, Allah nous dit Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhni. Et qui est-ce qui pourra intercéder auprès de lui sans sa permission? On comprend quoi? Qu'avec sa permission, c'est permis d'intercéder. Dans une autre parole, wa la tanfa'u ash-shafa'atu 'indahu illa liman adhina lahu. Et l'intercession ne sera pas profitable auprès de lui si ce n'est après sa permission. Et dans Surat al-Najm, le verset qu'on a récité. Et il conclut en disant, de plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a clarifié qu'elle sera exclusivement réservée aux gens de tawhid et de la sincérité. C'est-à-dire al-shafa'a sera exclusivement réservée aux gens du tawhid, aux gens de la sincérité, en d'autres termes aux musulmans. Donc les associateurs, tout le shirk qu'ils ont fait, c'est à la recherche de shafa'a, de l'intercession. فَعُومِلُوا بِنَقِيدِ قَصْدِهِ. Ils ont perdu ce pourquoi ils ont fait du shirk, car ils n'ont pas réuni les conditions pour avoir un shafa'a. Donc lorsque tu veux une chose, tu dois regarder le chemin qui y mène. Tu dois avoir la science de ce que tu recherches. Savoir le moyen et le chemin emprunté pour pouvoir l'obtenir. Et troisièmement, t'éloigner des causes pouvant t'éloigner de ton but. Comme on avait vu dans Risalat ibn al-Qayyim, rahimahullahu ta'ala. C'est ainsi qu'a conclu l'auteur ce chapitre. رحمه الله تعالى. C'est un chapitre مهم جدا. Il faut l'apprendre par cœur, le comprendre. Et maîtriser الشفاعة المنفية الشفاعة المثبتة. Il faut comprendre et mémoriser. Car c'est la plus grande porte du shirk chez les mushrikoun. C'est de prétendre à shafa'a. C'est pour cela qu'ils sont tombés dans le shirk. Mais toi, tu sais qu'il y a une shafa'a qui est affirmée, une shafa'a qui est rejetée. Donc tu vas apprendre laquelle est affirmée pour pouvoir la demander à Allah Azza wa Jal et rentrer dans les conditions. Et tu dois également connaître celle qui est rejetée pour ne pas tomber dedans, de peur d'en être éloigné comme cela fut le cas pour les associateurs. Wallahu musta'an. Le chapitre suivant. Babu qawlillahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabt al-aya. Donc le chapitre numéro 17 à propos de la parole d'Allah. Certes, tu ne guides pas celui que tu aimes. Jusqu'à la fin du verset. Soufiane, il reste des livres. Pour les livres, on va les faire parvenir. À l'avenir, il faudrait que cette demande nous parvienne avant que l'on commence le cours. Bon, les cafés. Ce chapitre concerne Al-Hidayah, la guidée. Et auprès de qui elle se demande. Et qui est le seul à pouvoir te guider sur la vérité et te maintenir sur cette vérité. Tatimmatul ayah, idhan, innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha'u. Certes, tu ne guides pas qui tu aimes, c'est-à-dire au messager d'Allah. Certes, tu ne guides pas qui tu aimes, mais Allah guide qui il veut et il connaît mieux ceux qui méritent cette guide. مناسبة الباب لكتاب التوحيد هذا الباب من أدلة وجوب إفراد الله عز وجل بالعباد وتحريم التعلق بغيره. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق على الله ما استطاع أن يهدي عمه وما نفعه مع حرصه على ذلك وفي هذا رد على القبوريين الذين يعتقدون في الأنبياء والصالحين القدرة على هداية القلوب ومغفرة الذنوب وتفريج الكروب. فبهذا عرف أن الهداية تطلب من الله لا من غيره. أما مناسبة الباب لما قبله هذه الأبواب تقطع التعلق بغير الله مهما علت منزلة العبد. في الباب السابق بين الشفاعة وأنها ملك لله فلا تطلب إلا منه، فكذلك الهداية التي هي من أعز المطالب وبسبب طلبها أشرك المشركون وعبدوا المعبودات من دون الله سبحانه. L'auteur a mis ce chapitre dans son livre de l'unicité car il y a une preuve ici qu'Allah Azza wa Jal est le seul à mériter l'adoration. Également dans ce chapitre, à travers ce chapitre, il nous démontrera que nous n'avons pas le droit d'adorer, ni d'invoquer, ni de se diriger vers notre qu'Allah Azza wa Jal, à la recherche d'un bien ou pour être préservé d'un mal. Ceci car on va voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la créature la plus noble chez Allah, n'a pas eu la capacité de guider son oncle Abu Talib malgré tous les moyens entrepris dans cela. Il y a donc ici une réfutation aux adorateurs des saints et des morts qui ont comme croyance que ceux qui se trouvent dans leur tombe parmi les personnes pieuses ont la capacité de guider les cœurs, de pardonner les péchés et de dissiper les soucis. À travers ce chapitre, tu vas comprendre que la guider ne se demande qu'à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il est le seul à pouvoir t'apporter le bien, te maintenir dans l'islam et te préserver du mal. En ce qui concerne le lien qu'il y a entre ce chapitre et les chapitres passés, ils ont en commun le fait de démontrer que le shirk est la chose la plus fausse qui soit et que seul Allah Azza wa Jal mérite l'adoration. Quel que soit le rang de la créature, tu ne dois pas te diriger vers lui à la recherche d'un bien ou pour qu'il repousse de toi un mal. Dans le chapitre précédent, nous avons vu que l'intercession était la propriété d'Allah Azza wa Jal, donc elle se demandait qu'auprès de lui. Et ici nous voyons que la guider, qui est une des choses les plus importantes, également se recherche qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non pas comme on fait les associateurs, la rechercher auprès des fausses divinités. وقبل الدخول في الآية ينبغي لنا أن نعرف أن الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية التوفيق والإلهام وهداية البيان والإرشاد والدلال. Avant d'expliquer le verset, il convient de savoir que la guider est de deux sortes. Premièrement, celle qui est appelée Hidayatut Tawfiq wal Ilham. C'est-à-dire la guider du cœur, dans le sens de permettre de croire et de rester sur cette vérité. Cette guidée est propre à Allah subhanahu wa ta'ala. Nul autre que lui n'a la capacité de guider une personne à l'islam et de la maintenir sur l'islam, d'accorder la réussite au serviteur afin qu'il soit sur le bon chemin. Seul Allah Azza wa Jal a la capacité d'accorder cela au serviteur. C'est compris? Comment est-ce qu'on appelle cette guidée? Hidayatut tawfiq, avec un qaf à la fin. Hidayatut tawfiq wal ilham. C'est la guidée des cœurs. La guidée dans le sens de te permettre de croire et de rester sur le bon chemin. Seul Allah Azza wa Jal a la capacité d'accorder à son serviteur cela. À cet effet, Allah nous dit dans le Coran: Laysa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Tu n'as pas la capacité de les guider, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Mais c'est Allah qui guide qui il veut. Dans un autre verset: Innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadi. Comme on vient de le réciter, certes tu ne guides pas qui tu aimes. De quelle guidée il s'agit ici? Hidayatut tawfiq. Certes, tu ne guides pas qui tu aimes, C'est-à-dire tu n'as pas la capacité de guider à l'islam et à la vérité celui que tu aimes. Donc cette guidée est propre à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit également وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Et la plupart des gens ne sont pas croyants malgré tes efforts, malgré ta motivation à l'égard. Deuxièmement, hidayatul dilalati wal irshad wal bayan. La guidée d'orientation, d'explication. La guidée dans le sens de montrer le chemin, de l'éclaircir et d'orienter les gens vers ce chemin. Mafhoum? La deuxième guidée se nomme Hidayatul Bayan wal Irshad wal Dilal. La guidée d'orientation. Takoun li Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa li ghayrihi min al-muslihin. Cette guidée a été accordée au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à autre que lui, parmi ceux qui savent, les réformateurs. Donc comment expliquer cette guidée? C'est le fait d'orienter les gens, de leur expliquer, de leur démontrer, ainsi que de leur éclaircir le bon chemin. Cette guidée est affirmé pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et autre que lui parmi ceux qui savent et les réformateurs. Est-ce que c'est compris? Donc personne n'a le pouvoir de permettre à une créature de croire, de suivre le bon chemin, de rester sur le bon chemin et de mourir sur ce chemin, si ce n'est qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, Allah subhanahu wa ta'ala a doté certaines de ses créatures de certaines facultés, parmi celles-ci, connaître la vérité et pouvoir orienter les gens vers cette vérité. C'est clair? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit concernant la deuxième guidée: wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dans sourate Shura, la consultation, et certes tu guides sur le chemin droit. Et certes tu guides sur le chemin droit. Pourtant on a lu dans sourate Al-Qasas: innaka latahdi man ahbabt. Certes tu ne guides pas qui tu aimes. Et il dit: certes, tu guides sur le chemin droit. Comment unir entre ces deux versets? Comment unir entre ces deux versets? On dit le verset dans lequel on a réfuté, on a renié que cette guidée puisse être dans les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est hidayatut tawfiqi wal ilham. C'est la guidée dans le sens de guider les cœurs, permettre aux gens de croire et de rester sur le bon chemin. Alors que la guidée qui a été affirmée, c'est la guider dans le sens d'orienter, de montrer le chemin. Est-ce que c'est clair? Ça c'est muhim. C'est important. Allah Azza wa Jal dit également dans le Coran: innama anta munzirum wa likulli qawmin had. Wa qal, donc ça c'est dans sourate Ar-Ra'd, le verset 7, vous reviendrez à la traduction. Dans un autre verset, قال الله ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق. Et un des versets les plus clairs pour cette guidée: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. Concernant Thamoud, nous les avons guidés, mais ils ont préféré rester aveugles à la guidée. C'est-à-dire on leur a montré le chemin, on leur a démontré la vérité du faux, mais ils ont préféré rester dans les gardes. Et c'est dans Surat Al-Sila. Et Allah Azza wa Jalla a uni ces deux guidées à la fin de Suratu Ash-Shura. Le passage commençant par وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا من ماذا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وكما قال الله سبحانه وتعالى. Tu peux me donner un mushaf? Je vais regarder, inch'Allah, pour être sûr. وبحث المؤلف رحمه الله تعالى. Et l'analyse de l'auteur dans ce chapitre se porte sur quelle guidée? Vu que nous sommes dans le domaine du tawhid, le droit d'Allah Azza wa Jal. Hein? La première, hidayat al-tawfiq. Wal-ilham. Car c'est cette chose qui est propre à Allah subhanahu wa ta'ala, dans laquelle on ne doit pas lui donner d'associé. Donc je vous lis du mushaf le verset. وَكَذَلِكَ وَحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نعم. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit, c'est-à-dire le Coran, venant de notre ordre. Tu n'avais aucune connaissance du livre ni de la foi, mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Et en vérité, tu guides vers un chemin droit. Donc dans ce verset, on a cité les de guider. C'est à la fin de Surat Ash-Shura. Revenons au verset cité par l'auteur, rahimahullah ta'ala. Wa innaka la ta'amadha, innaka la tahdi man ahbabt. Al-aya. Certes, tu ne guides pas celui que tu aimes. Al-khitab huna lil-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ici, Allah Azza wa Jal s'adresse au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Innaka la tahdi. La huna nafiya. Wal hidayatul manfiya huna hiya hidayatul tawfiq. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'a pas le pouvoir de guider, d'accorder la guidée. De quelle guidée s'agit-il? Hidayatul tawfiq wal ilham. La guidée en sens de permettre à la personne de croire, d'entrer dans l'islam, de suivre le bon chemin. إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ أَيْ مَنْ أَحْبَبْتَهُ هِدَايَتَهُ. C'est-à-dire celui pour qui tu as aimé la guider. Tu n'as pas le pouvoir de guider celui que tu aimes. Celui que tu souhaites qu'il soit sur l'islam. Celui dont tu aimerais qu'il soit musulman. Qu'il emprunte la droiture, qu'il soit guidé. Tu n'as pas le pouvoir de faire cela. D'autres parmi les savants ont dit, men ahbabt, ce que tu as, madha, ce que tu aimes, mahabbatu at-tabi'iyya lil-qaraba. D'autres parmi les savants ont dit, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aimé ici, donc Abu Talib, d'un amour naturel de par le lien de parenté, c'est son oncle. Et cet amour naturel n'est pas blâmable. Cet amour naturel n'est pas blâmable. Comme l'amour des parents pour l'enfant, mushrik. Ou comme l'amour de l'enfant converti à l'islam pour ses parents, mushrikoun. Il y a l'amour religieux, al-mahabbatu fillah. Et il y a l'amour naturel, comme on l'étudiera plus tard, inshallah. D'accord ? Il y a aussi l'amour naturel. Ceci n'entache pas le tawhid de la personne, ni ne comporte une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et beaucoup de savants ont dit que la première parole est plus juste. Comme l'a dit Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala dans le Sharh de Kitab Tawhid et d'autres. ولكن الله يهدي من يشاء مثل الله كيلر أي يوفق للإسلام مثل الله كي permet à la personne de croire et d'entrer dans l'islam. Seul Allah Azza wa Jal a ce pouvoir, la guidée du cœur. وهو أعلم بالمهتدين. Il est plus savant de ceux qui sont guidés, c'est-à-dire بمن يستحق الهداية ممن لا يستحق ممن يستحق الغواية. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal sait mieux qui mérite d'être guidé et qui mérite d'être égaré. Qui mérite d'être guidé par sa miséricorde et sa bonté et qui mérite d'être égaré par sa justice. Subhanahu wa ta'ala. المعنى الإجمالي أبو طالب أحاط النبي صلى الله عليه وسلم ورعاه منذ صغاره نصره بنفسه وبماله وأولاده بل تخاصم مع قومه لأجل النبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هداية عمه وكان حريصا على ذلك ومع ما بذل من الجهد ما استطاع إلى ذلك سبيلا لأن أمر الهداية بيد الله والأمر كما قال الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبه وبعد موته نهي عن الاستغفار له لأنه مات مشركا والعياذ بالله. Abu Talib est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est occupé de lui depuis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a 8 ans. Donc à partir de ces 8 ans, il a été élevé par Abu Talib, protégé par Abu Talib après Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'occupait de lui et il l'aimait énormément. Et même après l'avènement de l'islam, alors que Abu Talib était un associateur, il n'a cessé de défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au point de se disputer avec sa famille, son peuple, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a secouru malgré qu'il était associateur, avec sa personne, avec sa force, avec son argent, sa famille, ses enfants. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait vraiment qu'Abu Talib entre dans l'islam. Il a donc déployé tous ses efforts, mais cette chose-là, al-hidayah, n'est que dans la possession d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'est qu'en possession d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah azza wa jalla a décidé qu'Abu Talib n'allait pas entrer dans l'islam. Après la mort d'Abu Talib, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander pardon, de demander à ce qu'Allah azza wa jalla lui pardonne. Pourquoi? Parce qu'il est mort en dehors de l'islam. مناسبة الآية للباب فيها دلالة واضحة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك نفعا ولا ضرا ولا منعا ولا عطاء وأن الأمر كله لله الواحد القهار وفي هذا رد على من يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لتفريج الكربات وقضاء الحاجات. L'auteur a cité ce verset sous ce chapitre, ou bien dans ce chapitre, car on y voit de manière très claire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne possède aucune part dans la royauté d'Allah azza wa jal. Il ne peut donner le bien ni repousser le mal. Il ne peut guider une âme à l'islam. Mais tout cela revient à Allah subhanahu wa ta'ala exclusivement. Il y a donc une réfutation à toute personne invoquant le prophète sallallahu alayhi wa sallam en dehors d'Allah. أما ما يستفاد من الآية الهداية بيد الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء بحكمته. La grande information qu'on tire de ce verset est que la guider est la propriété exclusive d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il guide qui il veut avec sa, de par sa sagesse et sa science subhanahu. الرد على من اعتقد في الأنبياء والأولياء النفع والضر والتصرف في الكون بعد مماته. Il y a une réfutation adressé à toute personne qui invoque et adore les prophètes et les saints après leur mort, en pensant qu'ils ont la capacité de diriger ce qui se passe dans la création. Comme certains minrulat et soufiya al-mushrikin qui disent que durant leur vivant, ces awliyas sont occupés par l'adoration d'Allah. Mais après leur mort, chacun a un rôle et chacun dirige une partie de la terre. Et ce soi-disant wali dit à celui qui l'adore en dehors d'Allah, après ma mort, lorsque tu auras besoin de quelque chose, tu ne pourras pas accéder à Allah sans passer par moi. Donc, lorsque tu auras un problème, que tu sois sur la terre, ou sur la mer, ou dans la mer, invoque-moi où que tu sois et je te répondrai. Si ça, c'est pas du shirk, il n'y a pas de shirk sur terre. Si ça, c'est pas du shirk, alors le shirk n'existe pas. Subhanallah. Subhanallah. Ici, Allah Azza wa Jal nous montre que la meilleure des créatures, Muhammad ibn Abdillah, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas réussi à guider son oncle après tout ce que son oncle a fait pour lui. Comment est-ce qu'on pourrait affirmer ça pour autre que lui? Al-amru kulluhu biyadillah. Al-wahid al-ahad. Al-samad. Al-aziz. Al-alim. Al-qahhar. Jalla wa ala. إثبات مشيئة الله وعلمه. On affirme de ce verset l'attribut de la volonté. Donc Allah Azza wa Jalla a une volonté qui lui est propre. Et parmi les attributs d'Allah Azza wa Jalla, العلم. Allah Azza wa Jalla connaît tout, sans exception. Une faïda azima jiddan qu'on tire de ce verset. قطع العلائق عن الخلائق والتعلق بالرازق الخالق وحده كما dit Cheikh Saleh Sindi dans cette belle phrase. قطع العلائق عن الخلائق والتعلق بالرازق الخالق وحده. Donc avec ce verset, on coupe toute relation entre l'homme et les créatures. Et on le relie avec le pourvoyeur, le créateur. En lisant ce verset, tu comprends que personne ne peut rien pour toi. Personne ne peut rien pour toi. Alors rattache ton cœur qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Le créateur est celui qui décide de tout dans les cieux. فنفى في حق النبي صلى الله عليه وسلم ربنا في هذه الآية أمرين. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal a rejeté deux choses du prophète صلى الله عليه وسلم. Premièrement, القدرة على الهداية. Allah Azza wa Jal a réfuté le pouvoir de guider pour le prophète صلى الله عليه وسلم. Allah nous informe dans ce verset que le prophète صلى الله عليه وسلم n'a pas la capacité de guider qui que ce soit. Deuxièmement, deuxièmement, la connaissance de ceux qui vont être guidés et la connaissance de l'invisible. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas la capacité de guider les gens de leur permettre de croire, ni la connaissance de ceux qui vont être guidés. Il n'a pas la connaissance de l'invisible. Si cela a été rejeté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'on peut l'affirmer pour autre que lui après lui? Non, car c'est la meilleure des créatures. Seul Allah Azza wa Jal a cela. Al-amr kama qala rabbuna. Qul la amliku li nafsi darran wa la naf'a illa ma sha'a Allah. Wa law kuntu a'lamu al-ghayba lastakthartu min al-khayr wa ma massani as-su'. Allah Azza wa Jal a ordonné dans le Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, dit, je ne possède pour ma propre personne ni la capacité de faire un mal, ni la capacité de faire un bien, ni la capacité de faire un bien, si ce n'est ce qu'Allah a voulu. Et si j'avais eu connaissance des choses de l'invisible, j'aurais eu beaucoup de bien et aucun mal ne m'aurait touché. Allah Azza wa Jal ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire cela. Puis tu trouves des associateurs qui viennent et prétendent être musulmans et adorent le prophète sallallahu alayhi wa sallam en dehors du créateur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah. Voici pour ce verset. Puis l'auteur a cité un hadith. فقال رحمه الله وفي الصحيح عن ابن المسيب. D'autres ont dit Musayyab, An Abi, Fis Sahih, Ay Fis Sahihay. Ce hadith est dans le recueil d'Imam Bukhari, dans le recueil des Muslims, de l'Imam Muslim également. An Ibn al-Musayyib. Ibn al-Musayyib, huwa tabi'i, al-ma'ruf, ismu Sa'id. Sa'id Ibn al-Musayyib, ahad al-ulama. والفقهاء الكبار أحد الفقهاء السبعة. Donc Saïd ibn Musayyib est un des grands savants parmi التابعون. عن أبي المسيب. Son père est المسيب. Il s'est converti à l'islam. C'est donc un صحابي. المسيب ibn Hazm. صحابي ibn صحابي. المسيب est un صحابي. Et son père également était un صحابي. Donc il raconte. قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا عمي أو يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أو كلمة أحاج لك بها عند الله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. Donc Ibn al-Musayyib Sa'id, rahimahullahu ta'ala, nous raconte que son père dit « Lamma hadrat Aba Talib ibn al-Wafa »« Ay muqaddimatuha wa alamatuha » Lorsque les jours d'Abu Talib, ou bien lorsque la mort s'est présentée à Abu Talib, c'est-à-dire les prémices de la mort, les signes de la mort, lorsqu'il se trouva en fin de vie. Ça ne veut pas dire qu'il était en train d'agoniser. Pour preuve, il y a eu un dialogue. Il nous est relaté ici. Ja'ahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa 'indahu Abdullah ibn Umayya wa Abu Jahl. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendit chez lui. Il est parti visiter son oncle Abu Talib. Et il y trouva Abdullah ibn Abi Umayya, qui était à l'époque encore associateur, mais il s'est converti par la suite, bihamdillah azza wa jal, wa hasuna islam, et Abu Jahl. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم lui a dit يا عم ô mon oncle قل لا إله إلا الله dit il n'y a point de divinité méritant d'être adoré si ce n'est Allah كلمتان une parole أحاج لك بها عند الله أي أشهد بها لك عند الله كما جاء في رواية مسلم une parole par laquelle j'argumenterai pour toi auprès d'Allah par laquelle je pourrai témoigner chez Allah en ta faveur فقال donc Abu Jahl et Ibn Abi Umayyah On dit à Abu Talib, أترغب عن ملة عبد المطلب أي ذكراه بحجة المشركين وبشبهتهم العظيمة. Donc Abdullah ibn Abi Umayyah et Abu Jahl lui dirent, Tala, délaisserais-tu la religion de Abd al-Muttalib, de son père? Donc ils lui ont rappelé la plus grande. Une des plus grandes ambiguïtés des associateurs. C'est quoi ? C'est le respect des ancêtres. Le respect de la voix des aïeux. Qu'ils immensifiaient, énormément. Comme Allah Azza wa Jal nous cite dans Sourate Zukhruf, l'ornement Inna wajadna aba ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadou. Lorsque les prophètes leur venaient, qu'est-ce qu'ils répondaient ? On a trouvé nos parents, nos ancêtres sur une voie et nous suivons leurs traces. Ils ne regardaient pas est-ce que c'était la vérité, est-ce que c'était faux. Non. Nos parents, nos ancêtres étaient sur ça, alors on ne contredira pas cette voie. Idhan zakkarahu bi'idham al-aslaf wal-aba wa taqlidihim. Donc ils suivaient aveuglément leurs ancêtres. Allah nous dit à cet effet dans le Coran, إِذَا قِيلَ لَهُمْ اِتَّبِعُوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ou bien إِذَا قِيلَ لَهُمْ اِتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَ عَلَيْهِ آبَاءَ Allah nous dit dans le Coran, lorsqu'on leur disait, suivez ce qui vous a été révélé de la part d'Allah, ils disaient non. Mais nous allons plutôt suivre ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. Et Allah Azza wa Jalla nous cite également l'histoire d'Ibrahim alayhi salam lorsqu'il dit à son peuple Ma hadhi tamathi allati antum laha akifun. Qal wajadna aba'ana laha abidi. Parce qu'Ibrahim alayhi salam est venu trouver son peuple. Il les a réprimandés, il les a mis en garde contre le shirk. Et leur a dit Qu'est-ce que vous adorez là ? Ils ont répondu, ils faisaient l'i'tikaf, ils faisaient la retraite spirituelle auprès de ces fausses divinités, qu'ils adorent en dehors d'Allah Azza wa Jal. Ibrahim alayhi salam les a réprimandés, les a mis en garde contre cela. Ils ont répondu, nous avons trouvé nos ancêtres dans l'adoration de ces fausses divinités. Donc c'est quoi leur preuve pour faire shirk ? Nos parents faisaient cela, on suit ce chemin-là. Et nombreux sont les versets comportant ce sens. Et ici, il y a une grande leçon pour nous, les musulmans. Al-Muslim yujarrid nafsahu lil-haq, haythu ma wajadahu taba'a. Le musulman, lui, ne réagit pas ainsi. Son seul but est la vérité. Quel que soit l'endroit où il le trouve, il s'y cramponne. Et il ne le laisse pour personne. Il ne le laisse pour personne. Ni parents, ni enfants, ni épouse, ni cheikh, ni pays, ni dirigeant, ni dirigé, ni argent, ni passion. Al-haq ahaqqu an yuttaba'. Tu dois suivre la vérité. Même si cette vérité te parvient, d'une personne qui est plus jeune que toi ou qui a une lignée moins noble que la tienne même si c'est une femme tu acceptes le haq D'où qu'il vient. Fa'a'ada alayhi nabiyu sallallahu alayhi wa sallam fa'a'ada. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répéta, c'est-à-dire sa demande au moment que dit la ilaha illallah. Et les deux autres personnes ont répété également leur demande, c'est-à-dire ils ont raffermé Abu Talib sur le polythéisme. Au final, la dernière phrase de Abu Talib fut Huwa ala millati Abd al-Muttalib. Il est sur la voie de Abu Talib, sur la religion et sur le dogme de Abu Talib. لاحظوا هنا أن الراوي استبدل الضمير وقال هو. Remarquez ici que le rapporteur du hadith n'a pas retranscrit exactement la phrase de Abu Talib, mais il a ajouté huwa, il est sur la voie de Abd al-Muttalib. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que Abu Talib lui-même a dit il est sur la voie de Abu Talib, de Abd al-Muttalib, pardon, ou bien est-ce qu'il a dit je suis sur la voie de Abd al-Muttalib? Vous avez compris la question? Le rawi, le rapporteur du hadith, a dit huwa, alors qu'il relate une chose. On aurait pu s'attendre à ce qu'il cite les propos exacts de Abu Talib. Pourquoi est-ce qu'il a agi ainsi? Non. Pardon? Il a eu peur de dire je suis. Non. Par perfection du tawhid. Les savants ont dit كأنه استقبح هذه الكلمة أن يتلفظ بها. Les savants ont dit c'est comme si le rapporteur du hadith a détesté prononcer cette parole. Il y a une parole de shirk, une parole qui veut dire je ne suis pas sur le tawhid, je ne suis pas sur l'islam. Alors il a dit il, vous avez compris, il a détesté cette parole et il a refusé de se mettre, c'est comme s'il avait refusé de se mettre dans cette situation, mais a plutôt décrit et rapporté la situation de l'extérieur en disant huwa, comme expliqué sur Salah al-Fawzan hafidhahullah ta'ala et d'autres. Puis le rawi a appuyé cette information en disant wa aba an yaqula la ilaha illallah. Il a refusé de dire la ilaha illallah pour confirmer qu'il est mort en dehors de l'islam wal iyad billah. قال الحافظ في الفتح فيما فعل الراوي وهو من التصرفات الحسنة. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى a dit dans le Fath, Fath al-Bari, concernant ce qu'a fait le rapporteur du hadith en disant huwa, c'est une bonne chose qu'il a fait. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Au décès de Abu Talib, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit je ne cesserai de demander à Allah de te pardonner tant qu'il ne me l'aura pas interdit. Tant qu'il ne me l'aura pas interdit. Allah azza wa jal révéla à ce sujet, il n'appartient pas aux prophètes et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des associateurs. Jusqu'à la fin du verset. Il révéla aussi concernant Abu Talib, certes tu ne diriges pas celui que tu aimes. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين فتمة الآية ولو كانوا أولي القربى. Même si ceux-là font partie de leurs proches, parents. Donc, il ne convient pas ou il n'appartient pas aux prophètes et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des associateurs, même si ces associateurs font partie de leur famille, de leurs proches parents. Ma kana ou ma yanbari ta'ti fi an-nusus wal ma'na ghayat al-imtina'. Lorsqu'on trouve dans les textes religieux ma'kan, il ne convient pas, ou bien ma'yan bari, sachez que le sens est le plus grand point de l'interdiction. Donc le sens n'est pas comme on le comprendra en français. Il ne convenait pas de faire telle chose. Comme si ça n'était pas une chose grave. Vous comprenez? Non, dans les textes, dans le Coran ou la Sunna, lorsqu'on dit Ma'kan ou bien Ma'yan Bari, comme a expliqué Ibn al-Qayyim, si je ne me trompe pas dans le Fawa'id, c'est que c'est une grande interdiction. Et de faire cette chose, c'est une chose très grave. Par exemple, Allah nous dit dans le Coran, dans Sourate Maryam, Ma kana lillahi an yattakhidha min walad. Donc, ma kana et ma yanbari, c'est rayatul imtina', c'est une chose qui est impossible. Et c'est une chose qui est grandement interdite. Ou bien c'est une chose qui est grandement interdite. Ici, dans le verset, Ma kana lillahi an yattakhidha min walad. Il ne convient pas à Allah de prendre un enfant. Hein? D'affirmer ça, c'est une chose grave. C'est la pire chose. Wal'iyazu billah. Comme l'ont fait les chrétiens et les associateurs. Ça, c'est dans Sourate Maryam. Au verset 35. Au verset 92. وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَانِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدَا. Et il ne convient pas au tout miséricordieux de prendre un enfant. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, hadith Abu Moussa, inda muslim, si mes souvenirs sont bons, naam, inna Allah la yanam, wa la yanbari lahu an yanam. Certes, Allah ne dort pas, il ne sied pas à sa perfection, bien ne lui convient pas de dormir. Certes, Allah ne dort pas, et il ne lui convient pas de dormir. C'est une chose qui est grandement loin d'Allah subhanahu wa ta'ala de par la perfection de sa vie et de par la perfection de sa qayyumiyya et de sa force subhanahu wa ta'ala. Donc il ne convient pas aux croyants de demander à Allah azza wa jalla de pardonner aux associateurs de leur vivant. Tu peux demander à Allah azza wa jalla de les guider si tu espères pour un bien. Et après leur mort, tu n'as plus le droit de faire dua. Après leur mort, tu n'as pas le droit de faire dua pour un mouchrik. Voilà. Que dire alors de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Allahumma ghfir li qawmi fa innahum la ya'lamu. Comment expliquer la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam suite à ce que nous venons de dire ici, de comprendre plutôt ici? Oh Allah, pardonne à mon peuple car ils sont ignorants. Et son peuple était associateur. Comment unir entre ce verset et ce hadith? Le sens du hadith est Allahumma hdihim ila l'islam. Oh Allah, guide-les à l'islam. Thumma tub alayhim. Puis, pardonne-leur. Puis, pardonne-leur. Pourquoi? Car ils sont vivants. Et tant que la personne est vivante, elle peut entrer dans l'islam et se voir pardonner ses péchés. Tant que la personne est vivante, elle peut entrer dans l'islam et se voir pardonner ses péchés. Et l'autre condition, c'est que le soleil ne se lève pas de l'autre côté. Car à ce moment, la porte du repentir sera fermée. D'autres savants donnaient d'autres explications. Puis, وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فأنزل الله في أبي طالب أي في شأنه. وهذه الآية نزلت في شأنه باتفاق أهل العلم. Allah révéla à ce sujet, donc au sujet d'Abu Talib, il n'appartient pas, plutôt, Afwan, certes, tu ne guides pas qui tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Donc ce verset a été révélé concernant l'histoire de Abu Talib. Et ce hadith, comme je l'ai dit plus tôt, est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. هكذا يفعل الله ما يريد. C'est ainsi qu'Allah Azza wa Jal nous montre qu'il fait ce qu'il veut et qu'il décide de ce qu'il veut et que l'ordre tout entier lui revient. Abu Talib a défendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam toute sa vie et s'est fatigué pour cela. Il s'est mis contre son peuple et a supporté les nuisances de son peuple pour son neveu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait donc vraiment qu'Abu Talib entre dans l'islam. Il l'a donc visité après avoir su son état. Wa huwa fi siyaq al-maut. Il lui a proposé l'islam. Mais il avait auprès de lui, donc il lui a proposé l'islam afin qu'il meure dans le bien. Pourquoi ? Parce que l'a'mal bil khawatim. Car celui qui meurt sur l'islam, sa finalité sera al-jannah. As-Allah yakhtim lana bil khayr wa ala khayr wa ala kalimat at-tawhid. Donc il a demandé à son oncle de prononcer la ilaha illallah. Mais il avait auprès de lui des personnes qui étaient dans le polythéisme. Et les Arabes de l'époque comprenaient parfaitement la langue arabe. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit qul la ya'am qul la ilaha illallah fahimu hadhihi al-kalima wa anna ma'naha al-bara'atu min ash-shirk kullihi wa ifrad Allah 'azza wa jalla wahdahu bil-'ibad. Donc ceux qui étaient auprès de lui ont compris cette parole, ont compris que ça voulait dire: ô Abu Talib, renie le droit à l'adoration pour toutes les fausses divinités. Et affirme que le seul qui mérite l'adoration est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ils lui ont rappelé la voix de ses ancêtres. Et ils lui ont demandé de rester ferme sur cette voie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas désespéré pour autant et a réitéré sa demande. Mais ces derniers également ont réitéré leur demande. Puis, il a refusé de dire « La ilaha illallah » et est resté sur la voie de ses ancêtres. Sur la voie de Abdel Muttalib. Dans d'autres versions du hadith, عند البخاري عند الحاكم انا على مله عبد المطلب. Je suis sur la voie de عبد المطلب. وعند البخاري على مله عبد المطلب. Il a dit sur la voie de عبد المطلب. Et dans une version على مله الاشياخ, sur la voie des ancêtres. Il est donc mort sur le polythéisme. Il n'y a aucun doute sur cela. Par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a juré et appuyé qu'il ne cessera de demander à Allah Azza wa Jal de pardonner à Abu Talib tant qu'on ne lui interdira pas cela. Qu'est-ce qu'il peut interdire au prophète sallam? Allah subhanahu. Et il s'est passé, donc cette chose a eu lieu, Allah Azza wa Jal a interdit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander pardon pour Abu Talib. فكان أبو طالب يحمي النبي صلى الله عليه وسلم من آذى قومه فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هدايته فمن ذلك أنه عاد لما مرض فجاءه في سياق الموت وعرض عليه الإسلام وعرض عليه الإسلام ليكون التوحيد خاتمة حياته وإنما الأعمال بالخواتم فطلب منه أن يقول كلمة التوحيد لا إله إلا الله لكن الجليس ثبته على شركه لعلمه بأن كلمة التوحيد تبطل عبادة معبوداتهم وفي النهاية مات على الشرك تعظيما لأسلافه فحينئذ حلف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أنه سيستغفر لأبي طالب ما لم يمنع من ذلك فأنزل الله المنع من ذلك وبين أن الهداية بيده سبحانه وتعالى تفضل بها على من يشاء لعلمه بمن يصلح لها ممن لا يصلح. Donc au final Allah Azza wa Jal a révélé des versets interdisant au prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander pardon pour son oncle et ماذا disant qu'Allah Azza wa Jal est le seul à avoir le pouvoir de guider et qu'il sait mieux qui Mada mérite cette guidée. Si ceci a été Mada, donc munasabatul hadith lilbab, la yamliku nabi sallallahu alayhi wa sallam naf'an li aqrabin nasi ilayhi mimma yadullu ala butlani ta'alluqi bih bi jalbin manafi' kal hidayati wa ghayriha. Donc l'auteur a mis ce hadith sous ce chapitre car on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas eu le pouvoir de guider ceux qui étaient les plus proches de lui comme son oncle Abu Talib. Ceci nous montre que nous n'avons pas le droit de rattacher nos cœurs à autre qu'Allah Azza wa Jal. Si ici on nous montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas le pouvoir de guider celui qui lui a fait pourtant beaucoup de bien, que dire alors des autres? Ce qu'on peut tirer de ce hadith, Al-Hidayatu biyadillah, la guider n'est qu'entre les mains d'Allah Azza wa Jal, et personne ne peut guider en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala une créature. Jawaz wa iyadat al-marid al-mushrik Islam, la permission de visiter un malade associateur, un kafir. La permission de visiter un kafir lorsqu'il est malade, si on espère sa guider son islam. قال المؤلف المسائل ما ضرة أصحاب السوء على الإنسان. L'auteur a cité dans les Masail le mal qu'amène les mauvaises fréquentations. Le mal qu'amène les mauvaises fréquentations à la personne. Dans les mauvaises fréquentations, on parle de Abu Jahl. Par contre, les autres se sont convertis à l'islam. Donc on ne dit plus cela pour eux. Les sahaba ne sont cités inda ahli sunna combien? Et celui qui parle en mal des sahaba, c'est un mubtadi' ala al-aqal. Au minimum, c'est un mubtadi'. Au minimum. Wal-iyadu billah. Comment est-ce qu'un musulman pourrait parler sur ce qu'Allah a choisi pour accompagner le messager dans sa mission, sallallahu alayhi wa sallam? Comment est-ce qu'un musulman pourrait parler en mal de ceux qui ont supporté ce qu'a supporté le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Qui ont porté ce message, mémorisé de lui, appris l'islam de lui, et par leur cause, on a reçu cet islam d'une manière pure. C'est pour ça qu'on veut le conserver d'une manière pure. Wallahu musta'an. Donc, on voit l'importance des fréquentations. Et le danger d'avoir de mauvaises fréquentations. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelle son oncle au bien. Mais l'assise de Abu Talib lui dit, est-ce que tu vas t'éloigner de la voie de Abdul Muttalib? Donc ils obstruent le chemin qui mène à Allah Azza wa Jalla. De la même façon, toi, si tu veux avoir quelqu'un qui t'appelle au bien, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et non pas quelqu'un qui t'appelle au mal comme l'a fait Abu Jahl, prends de bonnes fréquentations. Car ceux qui seront près de toi lorsque tu seras malade, lorsque tu seras sur ton lit de mort, sont ceux que tu as fréquentés. Ou ta famille. Donc c'est muhimun jiddan. Comme est grande la différence entre celui qui te dit Dila ilaha illallah et celui qui te parle de la dunya ou bien du shirk ou bien invoque le wali le fulani ou bien. Subhanallah. Certaines personnes, lorsqu'elles sont en danger de mort, ceux qui sont près de lui lui disent on connaît un grand marabout, on connaît un grand friqih, on connaît kaza, invoque un tel, va voir un tel, fais telle chose. Subhanallah. Il est en train de mourir. Où il lui reste peu de temps à vivre dans la science d'Allah Azza wa Jal. Et quels sont les derniers conseils qu'on lui donne? Al kufru billah shirku billah. Alors qu'il va revenir vers Allah Azza wa Jal. Non, prends de bonnes fréquentations. Des gens qui suivent At-Tawhid. Des gens qui suivent As-Sunnah. Des gens qui sont sur At-Tawhid et qui suivent As-Sunnah. Des gens qui vont te dire la bonne parole, le bon conseil. Et lorsque tu auras des faiblesses, qui vont te renforcer. Et lorsque tu t'égareras, t'orienter. Lorsque tu te tromperas, te corriger. Et s'il le faut, être dur avec toi. Subhanallah. Voici la bonne fréquentation. Celui qui veut pour toi le bien chez Allah Azza wa Jal. Cela a la plus grande importance, wallah. L'auteur, à nouveau, dans les Masa'il, il nous dit. المسألة الرابعة أن أبا جهل ومن معه نديك أبو جهل et ceux qui étaient avec lui. Regardez l'adab, ta'adub qu'il a eu avec les compagnons. Il a cité le nom d'Abu Jahl, mais il a dit et ceux qui étaient avec lui. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit leur nom? Naam, car ils se sont convertis à l'islam. Donc par respect pour eux, il a dit et ceux qui étaient avec lui. احترازا إذن لأنهم أسلموا أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. C'est une parole qu'il faut noter, comprendre et mémoriser. Une parole magnifique qui nous montre le grand fiqh de l'auteur رحمه الله تعالى محمد بن عبد الوهاب رفع الله درجاته في الجنة. Donc l'auteur nous dit que Abu Jahl et ceux qui étaient avec lui ont eu connaissance de ce qu'a voulu dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit à cet homme, donc à Abu Talib, dis la ilaha illallah. Ils ont compris ce que voulait par cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit à Abu Talib dis la ilaha illallah. Puis l'auteur dit faqabbah Allah, qu'Allah en les dise. Donc il fait dua contre qui? Man Abu Jahl a'lamu minhu bi asli l'islam, qu'Allah en les dise celui dont Abu Jahl est plus savant que lui de la base de l'islam. Il fait référence à qui? Al mutakallimun. Ceux qui ont expliqué la ilaha illallah par quoi? Par exemple, la rabba illallah. Yani malheur à celui dont Abu Jahl a plus de sens sur la base de l'islam que lui. Abu Jahl, il a compris la ilaha illallah ou pas? Il a compris la ilaha illallah. C'est pour ça qu'il a dit quoi à Abu Talib? Lorsque le conseil lui a dit la ilaha illallah, il lui a dit atarrabu an millati Abdul Muttalib. Il a compris que la ilaha illallah, ça voulait dire sortir du shirk. Alors l'auteur dit malheur à celui-là à celui qui n'a pas compris la ilaha illallah, la base de l'islam. Subhanallah. Qabbah Allah. Man Abu Jahl a'lamu minhu bi asli l'islam. Al-Mutakallimu explique la ilaha illallah en disant: il n'y a point de seigneur en dehors d'Allah. Cette parole est véridique, mais ça n'est pas le sens de la ilaha illallah. Le sens de la ilaha illallah, c'est quoi? Jazakallah. La ma'bouda bihaqqin illallah. Nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah. Nulle divinité n'est digne d'être adorée en dehors d'Allah. Le seul à mériter entièrement l'adoration est Allah. Voici le sens de la ilaha illallah. Donc lorsque l'établir va en khuruj, qu'ils appellent fils abilillah, alors que ça n'est pas fils abilillah, comment est-ce que ça pourrait être fils abilillah alors que tu n'appelles pas au tawhid? Et ils disent aux gens: voici l'arbre et voici la feuille verte, et c'est Allah qui a créé tout ça. Et ils pensent que c'est le sens de la ilaha illallah. Est-ce qu'ils ont compris le sens de la ilaha illallah? Non. Subhanallah. Et ceux qui disent que le shirk, c'est le fait de prétendre un créateur en dehors d'Allah. Par contre, le fait d'adorer les tombes, le fait d'adorer les saints, ceci est du tawassul. Et on leur demande que shafa'a. Est-ce que ces gens-là ont compris la base de l'islam ou pas? Ils n'ont pas compris ce qu'avaient compris les associateurs. Et c'est pour cela que les associateurs ont refusé de dire la ilaha illallah, car ils avaient compris ce que cela allait engendrer. Dans une autre mas'ala, l'auteur à nouveau nous dit: وَهِيَ الْمَسْأَلَةُ كَبِيرَ الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَ وَهِيَ الْمَسْأَلَةُ الْكَبِيرَ. Donc dans la troisième faïda, il dit: et c'est la grande question, c'est la grande chose. تَفْسِيرُ قَوْلِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ بِخِلَافِ مَا عَلَيْهِ مَا يَدَّعِ الْعِلْمِ. Ceci également à noter, à retenir et comprendre. Tafsir, il dit avant, el mas'alatul kabir, la question immense. La question immense, la grande question. L'explication de la parole, la ilaha illallah. On tire de ce hadith l'explication de la parole, la ilaha illallah. Bi khilafi ma alayhi ma yadda'i al-'ilm, contrairement au sens donné par ceux qui prétendent avoir de la science. Il s'adresse à nouveau ici, il fait référence à nouveau ici à qui? Al-Mutakallimun. Hein, à ceux qui ont expliqué la ilaha illallah autrement que par la ma'bouda bihaqqin illallah, la ma'bouda haqqun illallah. Donc quel est le sens de la ilaha illallah à travers ce hadith? On comprend que le sens de la ilaha illallah, c'est tarku shirk wa ifradullahi bil ibad. C'est le délaissement du shirk dans l'adoration d'Allah et le fait d'affirmer que seul Allah mérite l'adoration. Tu dois te désavouer de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, Azza wa Jal. Dire que nulle divinité ne mérite véritablement d'être adorée en dehors d'Allah. Tu dois affirmer par la suite que le seul qui mérite l'adoration, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne sort de la mosquée sans avoir compris cela. Le sens de la ilaha illallah est la ma'bouda bihaqqin illallah. La ma'bouda bihaqqin illallah. Nulle divinité n'est digne d'être adorée excepté Allah. Répète. Quel est le sens de la ilaha illallah? En arabe d'abord. T'es un arabe toi? T'es de quelle origine? T'es algérien? T'es un vrai arabe. Tafaddal. La ma'bouda bihaqqin illallah. Jazakallah khair. Ant. Non, toi, t'es trop loin. Ant. Ant. Ant. Ant. Ant. Adam. Jazakumullahu khayr. En français maintenant. Ant. Ant, regarde ton, tes notes. Jazakallah khair. Nulle divinité ne mérite d'être adorée, excepté Allah. Jazakallah khair. Soumaré. Jazakallahu khayr. Même les papas, hafidhahumullah, comprennent le sens du tawhid. Min ni'matillahi azza wa jalla alayya an asma'a dhalika mink. Parmi les plus grands bienfaits d'Allah azza wa jalla sur ma personne, qu'il me fasse entendre des pères de famille dans la mosquée qui ont compris le sens de la ilaha illallah. À une époque où la plupart des créatures n'ont pas compris le sens de la ilaha illallah. Falhamdulillahi rabbil alamin. On tire également de ce hadith anal a'mal bil khawatim. Ce qui prévaut sur la personne en matière d'action sont les dernières. Car ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle à Abu Talib. Abu Talib a passé toute sa vie dans le shirk. Pourtant, il lui dit de dire la ilaha illallah pour qu'il lui soit profitable chez Allah. Ça veut dire quoi? Que si Abu Talib aurait prononcé cette parole, est-ce qu'elle aurait été profitable ou pas? Oui, malgré qu'il a vécu toute sa vie dans le shirk. Donc, pour celui qui a un parent qui n'est pas dans l'islam, il ne doit pas désespérer. Il doit l'appeler au tawhid jusqu'à ce qu'il agonise. Il doit lui expliquer le tawhid. Il doit lui montrer la beauté de l'islam. Il doit l'inviter au tawhid. Et si, par la grâce d'Allah, il prononce cette parole, puis meurt, cette parole lui sera utile et profitable. Bifadlillahi subhanahu wa ta'ala. Certains temps du prophète sallam sont morts et ont dit la ilaha illallah. Et ils n'ont pas eu l'occasion de faire une seule prosternation. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait leurs éloges. Donc, ce qui prévaut en matière d'action sont les dernières. Celui qui a vécu toute sa vie dans le haram. Et avant de mourir, avant l'agonie, il rentre dans l'islam. Allah Azza wa Jal accepte son repentir. Bi'idhnillah. On tire de ce hadith tahrim al-istighfar liman mata 'ala shirk. L'interdiction de demander pardon à Allah Azza wa Jal pour celui qui meurt sur le shirk. Cette question revient souvent. J'ai un parent qui meurt dans le shirk. Est-ce que je peux faire du'a pour lui? Est-ce que je peux faire le hajj pour lui? Est-ce que non. Pourquoi? Car cela ne sera pas utile pour lui du fait qu'il est mort en dehors de l'islam. بطلان التعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم في جلب المنافع. On tire de ce hadith que le prophète صلى الله عليه وسلم ne peut être utile, il ne peut t'amener un bien ou repousser de toi un mal. Une grande faïda de ce hadith. مضرة التقليد للآباء والأكابر إذا كانوا ماذا مجانبين للحق. Donc on tire de ce hadith le mal qu'apporte le suivi aveugle des ancêtres, des parents, lorsque ces derniers ne sont pas sur la voie droite. Donc le mal qu'apporte le suivi des parents et des ancêtres, lorsque ces derniers ne sont pas sur la voie droite, sur la vérité. Au point où ces gens-là ont fait une base dans le dîn. Tu lui dis qala Allah, il te dit oui mais mon père a dit. Tu lui dis qala Rasulullah, il te dit oui mais ma mère a dit. Tu lui dis qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il te dit oui mais nos ancêtres. Salafuna ma huwa kada, comme ils disent. Salafuna ma huwa kada. Là, c'est la phrase clé, la phrase type. Hein, nos ancêtres n'étaient pas comme ça. Mon grand-père était plus vieux que toi, il connaissait le Coran par cœur. L'ensemble des grands-pères connaissaient le Coran par cœur. On entend tout le temps la phrase ainsi, comme si elle avait été mémorisée, dictée et transmise. Nos ancêtres étaient comme ça, nos grands-parents faisaient comme ça. On répond, peut-être, mais celui qu'Allah Azza wa Jal t'a envoyé pour te transmettre l'islam et te montrer le chemin de la félicité et de l'entrée du paradis, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des créatures. Si tes parents ont emprunté sa voie, alors tu dois les suivre. Mais s'ils ont contredit sa voix dans une partie, ou bien du moins en partie, tu ne devras pas les suivre dans cette partie. Hakadha barakallahu fikoum. Et dans ça, il n'y a pas un rabaissement pour les parents. Mais tu immensifies la vérité. Tu immensifies la vérité. Et la voix qui t'a été envoyée, la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yusuf alayhi salam, par exemple, a dit, comme Allah nous dit dans surat Yusuf, وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. D'accord. Yusuf alayhi salam a suivi la voie de ses ancêtres. Mais qui sont les ancêtres de Yusuf? Ibrahim. D'accord. Ishaq, Ibrahim, Yaqub. Voici ses ancêtres. Ils étaient sur quelle voie? Sur la voie du tawhid, comme nous le prouve la suite du verset. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam suivit la voie d'Ibrahim alayhi salam. Et Allah Azza wa Jal lui a ordonné de suivre la voie de son père Ibrahim alayhi salam. Wa hakadha. L'auteur de la mas'alatul khamisa jiddu sallallahu alayhi wa sallam wa mubalaghatu fi islami am. La motivation et la persévération, c'est comme ça qu'on dit, la persévérance du prophète sallallahu alayhi wa sallam quant à la guider de son oncle. C'est-à-dire qu'il a fourni tous les efforts possibles pour guider son oncle. C'est ainsi que doit être donc le prêcheur. Il ne doit pas désespérer de la guider, désespérer de la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Ibn Asaymin a dit, car c'était son proche. C'est pour ça qu'il était motivé pour le guider. Et deuxièmement, pour le bien qu'il lui a fait. Donc c'est Mada, Limasda, les Rasul sallam, Mada, min al-ma'ruf. Encore un peu de patience. Barakallahu fikum. Isti'amalu Nabi sallallahu alayhi wa sallam li afdali l'asalib fi da'awati ila Allah. On voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait la plus grande sagesse dans le prêche et qu'il utilisait les meilleurs moyens afin de toucher le cœur des gens. Ici, regardez ce qu'il, ou écoutez ce qu'il a dit à son oncle et méditez. Il est venu le voir alors qu'il était malade. Ça va le toucher. Deuxièmement, comment est-ce qu'il s'est adressé à lui? Ya am, ô mon oncle. Ainsi, il lui rappelle qui il est et quel est le lien qu'il les relie. C'est quoi? C'est que c'est le frère de son père. Je suis ton neveu, ô mon oncle. Je suis ton neveu, je veux le bien pour toi. Puis, il l'appelle à la meilleure des paroles. À la chose la plus importante, être tawhid. Dit, là, il a l'air. Puis il l'encourage et lui montre le bien qui découlera de cela en lui disant Kalimatan, une seule parole, ou hajjulaka biha indallah, par laquelle je pourrais témoigner pour toi auprès d'Allah. Dernièrement, il a répété cette parole jusqu'à ce que décéda Abu Talib. Donc il y a une grande leçon dans la manière de prêcher ici. Al-qaraba wal-jah la tanfa' sahibah illam yakun mu'mina. Ton lien avec des personnes pieuses, le fait d'être le fils d'un tel, le fait d'être de la descendance d'un tel ne te sera aucunement utile si tu n'es pas croyant. Même si tu fais partie de Ahlul Bayt, des gens de la famille du prophète sallam, des descendants du prophète sallam, si tu n'es pas croyant, alors ce lien ne te servira à rien. Et on a tant répété dans cette mosquée le hadith de lorsqu'Ibrahim alayhi salam rencontrera son père Yawm al-Qiyam. Et je conclue par une parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala sur le suivi des ancêtres qui ne sont pas sur la droiture. Innaka law ta'ammalta ahwal bani Adam la wajadta al-ghalib ala ma yakunu minhum min muharabati al-haqq taqlid al-aba'i wal-aslab. Il dit, si tu médites, la plupart des gens qui se détournent et combattent de la vérité et la combattent ont eu pour cause le suivi aveugle des ancêtres et des parents. Donc quelle est la cause qui a poussé la majorité des gens à dévier de la vérité et ne pas l'accepter, mais plutôt la combattre? C'est le suivi aveugle des ancêtres. C'est le suivi aveugle des ancêtres. Donc dans ça, il y a une grande leçon pour nous, au jour d'aujourd'hui. À chaque fois que tu veux faire une adoration, à chaque fois que tu veux suivre une chose, demande, est-ce que le prophète l'a fait ou pas? Si on te dit non, délaisse-la, même si tu vois la majeure partie des créatures faire cette chose. Et nous sommes aux portes des grandes vacances. Et qu'est-ce qu'il y a beaucoup pendant les grandes vacances? Ayyuhal Mutazawwij, toi qui es marié, qu'est-ce qu'il y a beaucoup pendant les grandes vacances? Les mariages, ça? Un autre exemple, les enterrements. Je vais attirer votre attention sur ces deux choses. Durant les mariages, il y a la mixité. C'est haram par l'islam, dans l'islam. Durant les mariages, on prend des photos. Et vous savez tous comment s'habille la femme le jour de son mariage. D'une façon, peut-être, son mari jamais ne la reverra comme ça. Sahih ? Pourquoi est-ce que tu rigoles ? Naam. Mais bon, il y a de nombreuses femmes pieuses qui... qui ne font pas ça. Lorsque tu conseilles ces gens, j'ajoute la musique, même si ça va de soi, j'ajoute la musique, qui est haram bien sûr dans l'islam. Donc ces gens se réunissent, pourquoi? Pour fêter le mariage, donc de sa fille, de sa nièce, de sa sœur, de son fils, et ainsi de suite. Pour se réjouir de ce bienfait qu'Allah Azza wa Jalla a donné, ils lui désobéissent. Et lorsque tu les conseilles, la musique c'est haram, séparez les hommes et les femmes, ne faites pas de gaspillage, car elles dépensent des grandes sommes pour jeter au final à la poubelle. Sahih ? Tayyib. Ils te disent, mais tu veux qu'on enlève la musique? Tu veux qu'on sépare les hommes et les femmes? Mais est-ce que c'est un enterrement? Est-ce que c'est un enterrement? Hein? Subhanallah. Subhanallah. Donc ils désobéissent Allah Azza wa Jalla en ce jour-ci. Et ils disent, nos parents se sont mariés comme ça. Nos grands-parents se sont mariés ainsi. Ta tante s'est mariée ainsi. Ton frère s'est marié ainsi. Et toi, tu viens avec ta nouvelle religion? On répond à ces gens-là. Est-ce que le prophète, la mère des créatures, s'est mariée ainsi? Est-ce que Aïcha, radiallahu anha, la meilleure des femmes, une des mères des femmes, s'est mariée ainsi? Est-ce que Sahaba faisait ainsi? Tayyib. Concernant l'enterrement, le fait de ramener des gens qui récitent le Coran, hein, particulièrement surat Yasin, est-ce que le prophète nous a enseigné cela? Non. Dans cette même surat qu'il récite, Allah Azza wa Jalla nous informe que le Coran il est profitable pour le vivant. Dans surat Yasin, Subhanallah, man kana hayy. Donc ceci ne fait pas partie de la sunnah de réciter le Coran lors de l'enterrement. Il faut faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Et les exemples sont nombreux. Mais j'ai pris déjà trop de votre temps. Donc on va s'arrêter là. Et nous disons, il nous faut délaisser cette hujja. C'est une excuse du paganisme, de la période anti-islamique. On a trouvé nos ancêtres sur ça. On a trouvé nos parents faisant ainsi. D'accord? Si tes parents sont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ibrahim alayhi sallam, suis-les. Dans tout. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. وَأَسْأَلُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَهُوَ أَكْرَمُ الْأَكْرَمِينَ أَنْ يُوَفِّقَنَا إِلَى كُلِّ خَيْرٍ وَأَنْ يُعَلِّمَنَا مَا جَهِلْنَا وَيَسِّرَ لَنَا الْعَمَلَ بِمَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَى اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف أمي يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم اشف أمي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله الذي به تتم الصالحات